chance de... Vendredi 26 juin, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible sur France Culture, votre réveil culturel. Dans un instant donc, Frédéric Brun, déjà présent avec nous, merci Frédéric Brun, pour le dernier épisode de notre série sur les traces de Novalis. Et en deuxième partie, nous parlerons en bande dessinée et rock'n'roll avec le grand Baru, à l'occasion de la sortie de Four Roses chez Futuropolis. Le chemin mystérieux va vers l'intérieur. C'est en nous, ou nulle part, qu'est l'éternité avec ses mondes, le passé et le futur. Le monde extérieur est le monde de l'ombre. Il projette son ombre dans l'empire de la lumière. Sur les traces de Novalis, par Frédéric Brun, écrivain, éditeur. Bonjour Frédéric Brun. Bonjour Topi Kakem. Je rappelle que vous venez d'éditer Novalis et l'âme poétique du monde. Depuis le début de la semaine, vous nous racontez un peu le parcours de Novalis, mais aujourd'hui on va voir un peu l'héritage de Novalis. Comment il a été lu après sa mort? Comment il a traversé le 19e et 20e siècle avant d'arriver à aujourd'hui? Alors tout d'abord, les dernières années de Novalis. Novalis est mort à l'âge de 29 ans, en 1801. Et la plupart de ses œuvres donc, n'ont pas encore été publiées. Et ses deux amis dont nous avons parlé, Tieck et Schlegel, les réunissent. Il y a d'ailleurs un tableau que j'ai mis dans mon livre où on voit son jeune frère Anton poser avec ses volumes sous les mains, très fier des premières publications de son frère. Mais ces publications sont arrivées donc en 1802, mais ont mis beaucoup de temps pour se faire connaître. Je crois que 50 ans après sa mort, il n'y avait pas encore 500 exemplaires de ces volumes qui avaient été vendus. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'œuvre de Novalis trouve son public et fasse son chemin. Alors, comment Novalis va traverser le 19e siècle, Frédéric Brun? Avec des hauts et des bas, surtout en France, où l'antigermanisme après la guerre de 1870 n'a pas favorisé en fait son émergence dans notre pays. Mais il a été surtout éclairé par des grands écrivains, plusieurs prix Nobel de littérature, Hermann Hesse, Maeterlinck, Gide aussi. Hesse a été, ce grand écrivain allemand, a été profondément fasciné par Novalis. D'ailleurs, je peux peut-être vous lire un passage où il évoque cette fascination. Cet esprit d'une richesse, d'une souplesse et d'une audace merveilleuse, cet authentique voyant, ce déchiffreur de l'âme, a rêvé avec 100 ans d'avance sur ses contemporains ce que pouvait être l'idéal de formation de l'esprit allemand. Il a façonné et modelé avec une vigueur et une précision que l'on ne retrouve que chez Goethe, un idéal de synthèse entre la pensée scientifique et la vie intérieure. Ce que nous entendons chez lui, c'est la voix de ce qui n'est plus qu'un pays de légende, de cette Allemagne de l'esprit et du recueillement à laquelle beaucoup d'aujourd'hui ne croient plus parce qu'elle ne domine plus le devant de la scène allemande. On trouve dans l'existence poétique, dans la puissance du langage de cet homme, qui n'était presque qu'un pur esprit, une beauté et une plénitude charnelle tout à fait uniques, une harmonie entre le spirituel et le corporel qui n'appartient qu'aux rares êtres voués à une mort précoce. C'est avec un sentiment de gratitude et de profonde émotion que nous suivons son pas ailé et avec tendresse que nous évoquons l'homme qu'il fut et sur lequel son premier biographe a écrit ces belles phrases. Il vivait, comme il le disait lui-même, dans le pays des sens, mais non dans celui de la sensualité, car son sens intérieur guidait les sens extérieurs. C'est ainsi qu'il s'est créé au sein du monde visible un monde invisible, et ce monde était le pays dont il avait la nostalgie. C'est là qu'il est retourné, ayant trop tôt atteint la perfection. Vous dites des hauts et des bas pour parler de Novalis traversant les siècles depuis sa mort, Frédéric Brun, et vous citez donc Hermann Hesse. Mais Hermann Hesse, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, quand il cite Novalis, c'est bien pour rendre hommage à un romantique allemand de la première heure, parce que, justement, c'était l'époque des néo-romantiques. Est-ce que c'est toujours ça avec Novalis? À chaque fois qu'une nouvelle école se déclare ou trouve une filiation avec le romantisme, il revient du coup à la mode? Oui, vous avez raison, parce qu'en Allemagne, c'est le néo-romantisme qui le fait redécouvrir. Et en France, c'est le surréalisme. André Breton aussi a été totalement fasciné par Novalis, et à cause bien sûr de l'importance du rêve et de l'inconscient dans son œuvre. Et j'ai retrouvé une lettre qu'André Breton a écrite au moment où il était en fuite, lorsqu'il a quitté la France d'urgence en 1941. Et il a écrit une lettre où il cite Novalis parmi les esprits les plus importants pour résister à la barbarie du temps. Extrait. La pensée humaine se trouve aujourd'hui grandement humiliée. La pensée humaine est humiliée en ce sens qu'elle est forcée d'enregistrer, d'homologuer au jour le jour une série d'événements qui ne dépendent aucunement d'elle et qui portent la seule marque de la barbarie. En de telles occurrences, j'estime que tant qu'il restera une tribune, la voix du poète, de l'artiste, dans la mesure où elle porte le plus loin, doit être des plus écoutées. Dans la période moderne, ils se sont appelés Hölderlin, Novalis, Nerval, Black, Poe, Baudelaire, Van Gogh, Seurat. Est-ce que Novalis a tout de suite été traduit dès que ses écrits, ses fragments, son roman inachevé ont été publiés après sa mort? Oui, Novalis a été traduit assez rapidement. En France, je pourrais pas vous dire exactement le nombre d'années, mais peut-être une vingtaine d'années après, il a dû être traduit en France. Gide, d'ailleurs, prix Nobel dont on parlait tout à l'heure, dans son journal, quand il découvre son œuvre, inscrit « Il faut traduire Novalis de toute urgence ». C'est un mot de Gide. Je pense que Novalis a été traduit et en même temps, il a mis beaucoup de temps à se faire percevoir comme il était vraiment. Parce qu'on l'a souvent considéré comme un doux rêveur, comme un... Avec un côté fleur bleue, on voilà, peut le dire. Voilà, à cause de sa célèbre fleur bleue, ouais. comme un romantique, un simple romantique. Et il a fallu attendre, je crois, la seconde partie du XXe siècle, où des universitaires, des philosophes éminents se sont penchés sur ses écrits, sur ses fragments, les ont revisités, et on s'est aperçu que Novalis était bien plus que ce poète romantique simple avec la fleur bleue. Comment il a été cité, convoqué, enseigné durant la période fasciste de l'Allemagne ? Novalis, heureusement, n'a pas été particulièrement récupéré par le nazisme. Hölderlin l'a peut-être été un peu plus à cause de son intérêt pour la Grèce antique. Novalis, lui, a été peut-être considéré comme étant un peu trop religieux par les nazis pour être récupéré. J'ai par contre retrouvé une anecdote aussi assez intéressante l'auteur d'une biographie récente en Allemagne de Novalis a été faite par une personne qui a fait partie des jeunesses hitlériennes. Et cette personne, à la fin de son livre, a précisé qu'il trouvait incroyable, qu'il ne s'était pas rendu compte à l'époque, que les jeunesses hitlériennes se réunissaient dans une rue qui s'appelait Novalisstrasse, et qu'il disait qu'il y avait un fossé entre le nazisme et Novalis, et le fait que les jeunesses hitlériennes se retrouvent dans cette rue, il trouvait ça totalement décalé. Enfin, Novalis, 20e siècle, c'est aussi le livre monde, cette ambition, cet objectif que Novalis savait qu'il n'allait pas atteindre, hein, puisque, et vous l'expliquez bien, Frédéric Brun, et l'idée c'était d'essayer d'aller vers le monde et de ne pas se faire trop d'illusions, ce qui nous rappelle que effectivement parmi ceux qui l'ont lu, ceux qui l'ont cité, il y a Borges. Oui, ce livre monde, il est très important dans l'œuvre de Novalis et dans l'histoire de la littérature. Il faut savoir qu'il y a de certains écrivains et certains poètes qui ont rêvé d'écrire ce livre-monde. Pessoa, Mallarmé, Borges ont chacun voulu écrire un livre-monde. Ce que j'ai découvert aussi, grâce à Alberto Manguel, dans un petit livre qui s'appelle « Chez Borges », j'ai découvert le fait que Borges a demandé la lecture de d'Ofterdingen deux ou trois nuits avant sa mort. Et j'ai trouvé ça aussi incroyable que cet écrivain majeur qui a rêvé d'un livre-monde ait demandé à se faire lire Ofterdingen un peu avant sa disparition. Et pourquoi, pour terminer cette série, Frédéric Brun, pourquoi vous, au XXIe siècle, vous êtes revenu avec ce livre édité chez Poésis, donc chez vous, hein, c'est votre maison d'édition, c'est même le premier titre de votre maison d'édition, Novalis et l'âme poétique du monde. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une époque qui appelle à relire Novalis ? Oui, plus que jamais. Nous sommes dans une époque de surinformation, il y a trop d'actualité, on est dans un monde essentiellement économique, informatique, numérique, où la poésie a peu de place, alors que la poésie peut nous permettre de regarder le monde autrement. Cette poésie qui n'est pas forcément la poésie du verbe, non, mais cette poésie du monde, de regarder la beauté des choses, la grâce des choses. Merci Frédéric Brun. Je rappelle que toute la série consacrée à Novalis, sur les traces de Novalis par Frédéric Brun, est désormais disponible sur le site de franceculture.fr, à la page de l'émission « Un autre jour est possible ». Ça a été un plaisir de passer Merci cette beaucoup. Semaine avec Merci vous, Frédéric Toupic. Brun. Merci Toupic. À très bientôt. À bientôt. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Baru. Bonjour. Et vous n'êtes pas venu avec Jeannot. Et pourtant, on va parler d'une bande dessinée où vous signez le scénario et vous laissez le dessin à Jeannot. Il s'agit de The Four Roses, une bande dessinée rock'n'roll, éditée par Futuropolis. Une vraie histoire du rock'n'roll vécue par deux Français, vécue peut-être par vous, Baru. Non, pas vraiment. C'est quelque chose qui a à voir avec l'histoire de l'arrivée du rock en France. Le rock qui est arrivé en France plutôt en province, alors que Paris était encore dans la variété Exactement. Française. Vous tenez à le préciser dans ce récit, Baru. Au départ, il n'y avait pas de préface, parce que je pensais que c'était évident pour tout le monde que les Américains étaient restés pendant 27 ans en France, stationnés majoritairement dans l'est de la France, donc par chez moi. Et je pensais que c'était une chose banale pour tout le monde, que tout le monde le savait. Et puis après, je me suis rendu compte très très vite que les gens ouvraient les yeux ronds comme ça quand je leur disais qu'il y avait des Américains qui avaient occupé le quart de la France pendant 27 ans. Occupés, disons stationnés. Mais ça revenait au même parce qu'ils étaient partout, il y en avait pour eux. Quoi. Mais c'était incroyable parce que, à vrai dire, moi je le savais parce que je les avais vus. Quand j'étais gamin, je me souviens d'avoir vu les Américains. J'avais vu leurs camions, j'avais vu leur jeep, j'avais vu leurs bagnoles, surtout quand elles passaient et qu'ils allaient de droite à gauche. Parce que forcément, comme la région la plus proche de l'URSS en France et qui était quand même l'arrière du front de la guerre froide qui était l'Allemagne, eh bien, c'est là qu'on mettait toutes les choses un petit peu sensibles, un peu délicates, notamment dans l'aviation. Et éventuellement, je crois même qu'il avait été question de mettre des têtes nucléaires, quoi. Chose que De Gaulle avait refusée à l'époque, quoi. Donc, tout ça, plus personne ne le sait aujourd'hui. Donc, je me suis fendu de cette préface pour dire, voilà, le contexte général de cette histoire-là. Puis je suis sûr que vous comprenez bien de quoi il s'agit. Et aussi, d'où vient ma culture rock? Elle vient de là, Baru? Disons que, non, pas la mienne. Mais celle d'une partie des gens, juste la génération au-dessus de moi. Ceux qui avaient déjà 18 ans, presque 20 ans à la fin des années 50, quoi. Donc, en gros, les jeunes qui sont nés pendant la guerre, quoi. Moi, je suis beaucoup plus tardif, je suis de 47. Donc, j'ai pas reçu ça directement. Moi, que j'ai fait comme la majorité des Français, je suis tombé dans le rock'n'roll à cause de Johnny Hallyday. En mars 1960, premier des 45 tours de Hallyday. Moi, j'arrive, je tombe là-dedans. Rapidement, je fais le tour. Je regarde le crédit des chansons de Hallyday et je vois qu'il y avait que des étrangers, que des Américains. Et c'est là que je me suis rattaché à ce qui traînait encore à l'époque dans cette partie-là de la France, à savoir la musique des Américains, quoi. Et là, du coup, bien sûr, j'ai pris le rock dans la gueule, quoi. Donc très rapidement, Johnny Hallyday, je l'ai mis là où il devait être, c'est-à-dire à la poubelle. Et je me suis consacré exclusivement à ceux qui étaient les pères fondateurs du rock'n'roll. 1, 2, 3, 4. Oh baby, fais de moi ton petit ours en pluche. Passe-moi la corde au cou et traîne-moi partout. Traite-moi comme un joujou. Je suis de ceux qu'on dresse avec des mots très doux. Je réponds aux caresses par des flots de tendresse et d'amour. Oh oui, on fait de moi ton ours en peluche. Je me laisserai mener par le bout de mon nez. Oh, laisse-moi tout te donner. Mais il s'agit plutôt d'exilés musicaux. Oui. Ce sont des mamies, des Français qui se sont barrés aux États-Unis par amour des musiciens du rock and roll. Exactement. Donc en gros, dans ces bases américaines, il y a un chanteur qui s'appelle Johnny Jeannot, ouais, qui vient et puis dont une jeune fille de l'époque, une jeune meusienne d'origine italienne. Je l'ai pris d'origine italienne parce que... Comme vous, d'ailleurs. Oui, oui, non, mais simplement, c'est parce que ça explique après l'omerta sur sa disparition. Et donc, qui va être séduite par ce Johnny Jeannot et qui va avoir un enfant de lui. Mais lui va avoir rentré chez lui après. Et elle, plutôt que de rester seule à élever son enfant, elle fiche le camp. Ouais. Elle disparaît. Et elle laisse, avec d'autres musiciens. Voilà. Elle laisse sa fille là. Laquelle fille, après, elle va avoir des enfants et qui va faire un enfant qui s'appelle là, en l'occurrence, Jérémy, entre autres, et qui lui-même est musicien. Voilà. Et c'est donc lui qui va partir au détour d'un petit événement, mais ça, je laisse le plaisir au lecteur de découvrir lequel. De découvrir l'Amérique et ses racines. Exactement. Donc, d'aller retrouver là-bas, d'essayer éventuellement de remettre la main sur cette grand-mère qui a disparu et qui est partie là-bas. Et donc, il va effectivement rencontrer là-bas les traces de cette émigration, à savoir les enfants qu'elle a pu faire avec les uns et les autres, quoi. The Four Roses. Pourquoi, Baru, avez-vous décidé que cette histoire que vous avez imaginée, scénarisée, allait être dessinée par Jeannot? Concours de circonstances. Il se trouve que Jeannot, c'est un vieux copain. On avait commencé à peu près au même moment, dans les années 80. C'est-à-dire les années rock, voilà, et BD, rock, les années métal hurlant, quoi. Tout à fait. Sauf que moi, je n'étais pas métal. Hein. Ouais. Lui était métal, mais moi, j'y étais pas. Et il y a 2-3 ans de ça, quand Jean-Claude Denis a été président du festival à Angoulême, à l'époque où il y avait encore un président digne de ce nom. Mmh. Et que vous étiez le président. Non, c'est que Jean-Claude Denis, il a été l'année suivante ou 2 ans après, je ne sais plus. Deux ans après. 2 ans après, il a fait une exposition Jeannot. Et là, il y a mon éditeur avec qui je bavardais et qui tombe là-dessus et qui d'un seul coup dit « Nom de Dieu, Jeannot, qu'est-ce que c'était bien !» Et Jean-Claude venait de me dire que Jeannot était guéri parce qu'il a été malade très très longtemps, ça l'a mis sur le flanc, il n'a pas travaillé, ça faisait presque 10 ans. Et il a... Donc je lui explique que Jeannot était guéri et puis que peut-être qu'il était prêt à retravailler, quoi. Et donc, on va faire quelque chose avec lui. Et puis comme ça, il me dit sous le ton de la boutade, t'aurais pas un scénar pour lui? Et je dis peut-être. Et donc je suis allé fouiller un petit peu dans mes tiroirs parce que j'avais vaguement le souvenir que j'avais commencé une histoire qui tournait autour de la musique, mais que j'étais pas allé au bout, quoi. Je l'avais abandonné en cours et tout, quoi. Et donc je l'ai ressorti. À partir du moment où j'ai proposé à Jeannot le deal là, il m'a dit ok, on y va ensemble. Et donc j'ai repris ces morceaux d'histoire, ces bribes d'histoire, et j'ai reconstruit une histoire qui soit un peu plus cette fois en fonction de ce qu'était Jeannot, quoi. Et de ses dessins, c'est-à-dire de représenter les personnages par avec des faces d'animaux anthropomorphes, c'est le style Jeannot. Donc vous êtes adapté aussi à son style. Ouais, mais tout à fait. Mais vous savez, bizarrement, moi, j'ai jamais perçu ça comme des animaux. Pour moi, c'est toujours des personnages à part entière. Non, mais c'est vrai. Des museaux, quoi. Ouais, mais c'est quand même la force de la bande dessinée, c'est celle-là. C'est que très rapidement, le lecteur s'extrait, j'allais dire, de la contingence matérielle et il va chercher dans le personnage ce qui lui parle, c'est-à-dire ce qui lui cause, c'est-à-dire il va chercher les émotions, il va chercher la psychologie qui est nécessaire à la compréhension de l'histoire. Donc partant, après que ce soit des rats, des chacals ou des briques ou des porte-manteaux, c'est à partir du moment où ça cause et ça bouge. Et puis cette bande dessinée est accompagnée d'un disque, un vinyle. Ouais. En fait, je vous l'avais dit que je le dirais pas, mais je vais le dire quand même. En fait, c'est la faute à Claude Gendreau, mon éditeur, qui pendant très très longtemps a été, à la suite de Jean-Paul Mougin, a été rédacteur en chef de PIF. Et donc, je me suis dit, je vais dire comme ça que c'est la nostalgie du gadget que t'avais, que t'as fait, tu nous as imposé ce disque-là à mettre à la fin. Non, parce qu'en fait, ce qu'il aurait fallu vraiment faire, c'est offrir un Tepaz avec le bouquin, de manière à ce qu'on puisse écouter le 45 tours, parce que c'est un vinyle à 45 tours, un EP, je sais pas comment on dit en anglais. On va écouter, on va terminer. Et qui a été enregistré donc par celui qui est le personnage principal de l'histoire, à savoir King Automatic. Ouais. Et donc qui existe. Et qui existe vraiment, qui est un musicien à part entière. Et ce mélange entre personnes qui ont vraiment existé et personnages de fiction, on se perd avec plaisir dans cette histoire. Oui, mais c'est... Disons, moi, toutes les histoires, je les fabrique comme ça, quoi. C'est que il y a toujours de la réalité dans ce que je raconte. Puis après, je fais mon métier de raconteur d'histoire et puis j'en fais des fictions, quoi. Et en fait, c'est en discutant avec lui, j'ai fini par le rencontrer parce qu'on fréquentait les mêmes concerts et puis apprendre langue. Et puis, c'est lui qui s'approchait de moi dans la mesure, une chose qui est pas toujours très agréable à entendre, c'est pour me dire que quasiment lui, il avait appris à lire dans Cake and Blues. Ouais. Ça dit tout de suite, bon, ok, d'accord. C'est une forme d'hommage. Oui, mais toujours est-il que... Et il m'a raconté un petit peu ce qu'était sa vie de musicien, de one-man band, parce qu'il joue tout seul, quoi. Et donc, ces histoires de bagnole, de route, de tout ça, ça m'a vraiment... J'avais commencé à écrire des choses là-dessus, et c'est tout ça qui est ressorti au moment où... on est tombé d'accord avec Jeannot et que j'ai concrétisé après en faisant The Four Houses. Bon, Jeannot ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais il nous promet un dessin pour le site de l'émission à retrouver donc sur franceculture.fr à la page d'un autre jour est possible. Baru, pour terminer, est-ce que vous êtes toujours rock and roll? Bien évidemment, de toute façon, je peux pas vivre tous les jours. Je dois avouer que ça fait quand même 3-4 ans où c'est quand même un peu façon désert, hein. C'est un peu raide. Alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai fouillé un petit peu dans ce que j'ai pas trop écouté à l'époque où c'est sorti, où j'ai franchement ignoré. Et donc, du coup, je redécouvre des groupes qui ont 20 ans et que, à côté desquels j'étais passé et qui sont excellentissimes. Donc, du coup, pour moi, c'est une nouveauté. Et tout ça, bien sûr, en vinyle. Non, vous avez pas, tout. Je suis pas, je n'ai encore pas cédé, même si la tentation est forte. J'ai pas cédé à la manie de revenir au vinyle. De venir au vinyle. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut hein, pour les écouter, mais j'ai encore pas cédé parce que là, franchement, ça commence à prendre des proportions un petit peu indécentes maintenant. Ouais. Mais bon, pour l'instant, je me contente du CD toujours, quoi. Et puis surtout, c'est moi pour moi de toute façon. Je suis pas très exigeant en matière de qualité sonore. L'essentiel, c'est que ça soit fort. Bon, eh ben, je vous laisse faire le DJ, comme si vous étiez encore dans une radio rock, Baru, et je vous laisse présenter le morceau de l'album de Four Roses. Alors oui, parce que c'est, il y a un morceau qui a été interprété donc par Johnny Jeannot, dont je suis affoutu de dire le titre en anglais. Il est terrible, c'est Heaven Hall of Flot Fun ou quelque chose comme ça. Bah c'est super, Baru. Merci beaucoup. C'était Un autre jour est possible que vous pouvez bien sûr réécouter en passant par franceculture.fr ou directement par iTunes. Et vous pouvez même bien sûr podcaster cette émission. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. On se retrouve lundi. Passez un excellent week-end. Mais d'abord, une excellente matinée avec Marc Vancher. When it comes to loving, I'm a loving fool. Love it, honey. Love it. Hey, rocking and rolling and having me a lot of fun. Woo, woo, woo, rocking and rolling and having me a lot of fun. The monkey told a baboon, yes, yes, yes, rock!